côte d'Auvergne ne passera en voie d'apparition le Globulus mortiferus alambicus. Nous l'observons. Nous l'observons dans son antre. Deux. Thank you. Thank you. Vous pouvez entendre des buzz qui viennent directement d'Auvergne, Auvergne-France, donc 63-800, je crois, 63-660. Thank you. l'enfer. Thank you. c'est le vide. Le vide de l'Abscons Territoire pour vous ce soir sur Canal Sud 92.2 FM ou canalsud.net. Nuisance avec l'Auvergne en direct. L'autisme dans sa foisonnance. Le mutisme de l'autisme dans sa multiplicité. La merde. Thank you. Thank you. You're listening to Nuisances on Canal Sud, 92.2 FM, 92.2 on your FM dial, or www.canalsud.net. You are listening to an autistic artist who is autistically artisting whatever he's doing autistically and artistically. Should we say that there's no limit to the unlimitless abound at the forgetfulness of the fucking the shit. Up your ass, and mine also, my ass, should I say, fucking the ass. With shit, full of it, yes. Demain, il fera brumeux sur toute la région toulousaine et vous êtes sûr d'avoir un 6 degrés peut-être maximal pendant cette journée celsiusique. En Fahrenheit, ça donne à peu près 56 degrés, quoi, c'est pas baiser. Welcome to Nuisances. Nuisances is the show where we have nothing to do. Nuisance, c'est l'émission où on n'a rien à faire, on se fait chier, quoi, comme des rats morts. Et donc, pour ce faire, on se dit qu'on pourrait peut-être passer une rediffusion. Bon, après, c'était. Donc, avant la rediffusion, on voudrait dire des choses. Donc, on va dire des choses, genre, c'est une rediffusion. Tu vois ce que je veux dire? Et ensuite, on va dire aussi merci au producteur de l'émission qui nous a filé l'enregistrement pour la rediffusion, donc. Et où se trouve cette rediffusion? C'est le dernier enregistrement qui est fait. Non. C'est là, là. C'est ça, ouais, je pense, ouais. Maintenant, je sais pas du tout ce que ça donne, j'ai pas réécouté. Et donc, j'aimerais, juste pour présenter la chose, vous ralentir l'enregistrement de monsieur ou peut-être l'accélérer, je sais pas encore, je vais voir. 53 36 95, je répète 05 61 53 36 95 6 95 6 95 6 95 6 95 6 95 6 95 6 95 6 95 6,95, je souhaite mutuellement bonne chance, donc les ailes du désir, si en alternance avec le monde sud du Voilà, alors on va se souhaiter mutuellement bonne chance, donc les ailes du désir, c'est en alternance avec le monde se dissout en fées. La deuxième et quatrième semaine de chaque mois, ça sera les ailes du désir, et la première et la troisième semaine, c'est Bernard avec le monde se dissout en fées. Alors pour attaquer cette émission qui va être souvent une émission plutôt bavarde, je vais quand même commencer par une musique. Je vais commencer par une musique. Et bienvenue sur Canal Sud. C'est le morceau 92.2 FM. Vous téléphonez au 05 61 53 36 95. Je répète 05 61 53 36 95. Ou alors vous écrivez à Canal, les ailes du désir, Canal Sud. Je ne me souviens plus du numéro. Rue Alfred Duméril, 40 rue Alfred Duméril, 31 400 Toulouse, par un premier morceau, France. Si vous reconnaissez, bien vous appelez. Hein, et Canal Sud. Et point net. Et voilà. Donc vous explorez les petites citations techniques qui risquent fort de ne pas manquer d'arriver. Nous sommes en enfer. L'enfer est sur terre. C'est maintenant. Thank you. Thank you. vouloir être heureux, voilà, voilà de l'habituel, voilà, voilà du quelconque, voilà du pas original. Vouloir être heureux, c'est d'abord risquer de ne pas l'être, alors que vouloir ne pas l'être, c'est risquer d'y parvenir. C'est-à-dire d'y échouer, car en voulant ne pas l'être, si on l'est, on ne l'est pas, et si on ne l'est pas, alors on l'est, donc on l'est, alors on ne l'est pas. Vouloir ne pas être heureux ouvre sur le paradoxe, sur le non-sens et sur l'absurde, donc sur l'humour, la poésie, la douceur, la volupté, donc on est heureux, alors on ne l'est pas, puisqu'on voulait ne pas l'être, mais ne l'étant pas, on l'est, puisqu'on ne voulait pas l'être. J'ai ainsi connu un homme qui se remémorait toujours du passé avec amour, douceur et moult épanchement. Toute sa vie, il avait été heureux, sauf maintenant. Quel que soit le moment du maintenant, alors il était toujours triste et se rappelait avec nostalgie les bons moments d'autrefois. Ses souvenirs si agréables le faisaient sourire. Bientôt il se mettait à pleurer, ce passé était passé. Et le lendemain, se souvenant de ses larmes de la veille, il se remettait à pleurer. Et il pleurait, pourquoi au fait ? Ah oui, ses bons souvenirs. Et il repartait dans ses bons souvenirs. Ainsi. C'est plus agréable. Un bon canapé, petite musique tranquille, bon souvenir. Mais surtout, ne le réveillez pas. Émergeant du passé, il serait malheureux, et s'il était content d'être malheureux, il le serait encore plus, quoique s'il n'était pas content, est-ce qu'il serait plus ou moins malheureux ? Mais si on désire être heureux, et qu'on n'y parvient pas, alors on peut s'en foutre, voir ça de loin, se rendre compte qu'on est heureux ou malheureux, comme on se rend compte de la couleur de sa chemise. Être heureux le temps que ça dure, être malheureux le temps que ça dure. Et puis d'abord, c'est quoi ces histoires d'être heureux ou malheureux ? Cela s'est passé ces jours derniers dans la banlieue parisienne. Les journaux ont dit que le petit Christian, 3 ans, s'était tué en tombant du deuxième étage de la fenêtre de l'appartement où son père l'avait suspendu, excédé par ses pleurs. Mais les journaux n'ont pas dit pourquoi. La cité en question, la cité Paul-Éluard, est sans doute un grand ensemble comme beaucoup d'autres, où l'on vit trop serré dans des logements trop petits. Il y a trop de bruit. On se supporte mal quand on cherche un peu de détente et qu'on ne le trouve pas. Aussi, quand les enfants ne sont pas très tranquilles, heureusement il y a souvent la télé, là ils ne bougent pas. Quand ils font des colères, au bout d'un certain temps, on n'en peut plus. On en prend un, on le suspend par la fenêtre ouverte au-dessus du vide. C'est symbolique. Cela veut dire, on ne tient plus dans des logements construits au moindre coût par le cynisme du profit. On ne veut plus de cela. On veut des villes où les enfants puissent vivre, où, comme dit Paul Éluard, il y a des baisers pour tous et chaque bouche dit merci. L'enfant à l'homme sert de guide pour le partage des plaisirs. Il y a des jours où, sans raison apparente, sans cause, mais avec des effets, en lisant Libé, les larmes me viennent aux yeux. Bizarre, non ? Une chose est certaine, Libé possède un don particulier, un don fort rare, un don en voie de disparition, le don de rendre malade. Ce canard que j'achète quotidiennement sans me demander pourquoi me rend malade. Il me rend malade comme la femme que j'aime me rend heureux, sans que je ne m'en aperçoive. Il me rend malade comme mon père me rend les cigarettes qu'il m'a empruntées, sans me lécher le choix, sans que je puisse lui dire de les garder. Parce que s'il les garde et que j'ai plus de fric pour en acheter, oh logique, je serai malade jusqu'à ce que je puisse en acheter. Si par contre j'accepte les cigarettes en question, non seulement elles vont partir en fumée aussitôt, mais ce qui est plus grave, je vais me rendre malade en pensant que cette fumée n'est pas la mienne, mais celle de mon père, puisque ce sont ces cigarettes qui sont la cause de la fumée. Résumons-nous. Si je n'ai pas ma dose de fumée Libé, je tombe malade. Si au contraire j'investis 1,50 francs et j'achète une dose Libé de fumée, cette même fumée me rend malade et m'empêche d'investir le capital de 1,50 francs en cigarettes. Face au problème et face à face avec moi-même, enfermé dans la chambre d'où vous parviennent ces lignes enfumées, j'ai longtemps cherché une solution non fumante pour éviter de tomber malade en lisant Libé. J'ai tellement cherché qu'à force de chercher, je suis tombé malade. Malade de ne plus savoir où j'en suis. Malade de ne savoir que trop où je vais aboutir. Malade de ne plus savoir que faire. Et malade de trop savoir ce que, consciemment ou pas, je vais décider de faire. Malade de me savoir malade et malade de me sentir malade. Malade de vivre, malade de survivre, malade de continuer de me rendre malade en achetant Libé, en aimant une femme, en fumant des cigarettes qui partent en fumée sans que je puisse saisir une poignée de cette fumée pour l'envoyer chez Libé ou l'offrir à une femme comme l'on offre un diamant. Avec autant d'amour, mais avec bien moins de frime. Mon père, chaque fois qu'il décide de faire quelque chose comme tout le monde, ça loupe pas, ça rate. Il y a 2 mois, il me dit comme ça que si je passe en 5e, il achète une tente et on part en vacances sur la Côte d'Azur. D'habitude, mes vacances, je les passe avec mes copains à faire les comptes dans les caves ou sur le chantier en face. On se marre bien. Mon père, il dit que c'est pas des vacances pour un jeune comme moi. Normal. Lui, il y est toute l'année sur le chantier. Alors il a acheté la tente et voilà. Même si j'avais redoublé ma 6e, c'était pareil. Je peux lui raconter n'importe quoi à mon vieux. Il sait pas lire. Et encore moins écrire. Faut dire qu'en Algérie, on lui a jamais appris. De toute façon, ça lui servirait pas à grand chose pour son métier. Il est manœuvre. Ahmed, tu fais ici, et il le fait. Ahmed, tu fais ça, et il le fait. Il est trop gentil, mon père. Moi, à l'école, si un mec me dit un mot de travers, je lui fonce dedans et je lui pète la gueule. Les 3 premiers campings, on n'a pas pu entrer. C'était complet. Au 4e, c'est moi qui me suis pointé au guichet. Mon père, il était resté dans la voiture pour faire la queue avec les autres. Le camping Riviera, qu'il s'appelait. On a trouvé une place peinarde entre 2 grosses caravanes. Pour monter la tente, on a merdé un peu avec les piquets et tout. Et finalement, on s'en est pas trop mal tiré. Après, on a foutu une couverture par terre. On a sorti le camping-gaz, les assiettes et tout le reste. Et j'ai été chercher de l'eau pour faire cuire des nouilles. Quand je suis revenu, il y avait au moins une tapée de mecs dans la tente et ils engueulaient mon père, comme quoi il fallait pas se mettre ici vu que c'était l'endroit où ils jouaient aux boules. Et patati et patata. Et qu'on avait qu'à intérêt à déménager. Mon père, il a baissé la tête, il a dit « Oui, monsieur, si tu veux, s'il vous plaît. » On a tout rangé et on a mis la tente là où ils nous ont dit, un peu plus loin, à côté des poubelles. On a fini par faire cuire nos nouilles, on a mangé et on s'est pioté. Le lendemain matin, j'ai enfilé ma canoë, mon canos, mon père aussi, et on a été faire un tour à la piscine du camp. Ça faisait pas un jour qu'on était là et c'était nous les plus bronzés. Il y en a qui nous faisaient une sacrée tronche. Je me suis baigné un peu. Mon père, il est resté sur le bord à me regarder. Il ne sait pas lire, il ne sait pas écrire, il ne sait pas nager et il n'a jamais l'air de s'emmerder. Il est capable de rester des heures assis comme ça, à rêvasser. Chaque fois que je le regardais, je lui disais de venir, alors il répondait « Non, si tu veux bien, je les reste là, je préfère. » Il n'a jamais su dire « tu, mon père, ni vous ». Avec lui, c'est toujours « ti ». C'est marrant quand même. Pourtant, il est content que moi je cause bien le français. Et quand je lui ai dit que j'apprenais l'anglais à l'école, il était aux anges. « Tu me dis quelque chose en anglais ?» Moi, j'étais bien emmerdé. Alors je lui ai sorti 4-5 mots, comme ça, des mots que je connaissais par les chansons. Il a ouvert ses yeux tout ronds, il m'a regardé sans rien dire pendant au moins 5 minutes. Je crois qu'il est fier de moi, mon père. Tout ce qu'il fait, c'est pour moi. Quand il rêve que plus tard je me marierai avec une Française. Un peu que si je me marie, avec, ce sera avec une Française. J'irai quand même pas la chercher en Algérie, ma femme. D'abord, l'Algérie, j'y ai jamais foutu les pieds. Sur le coup de midi, on est retourné à la tente. Les gens buvaient l'apéro dehors. Avoir leur tronche, ça m'étonnerait que je me fasse des potes dans les environs. Quand on est resté à la tente, il y avait une espèce de Parisien qui essayait de garer sa caravane en marche arrière. J'y connais pas grand-chose en caravane, mais je peux vous dire qu'il s'y prenait comme un pied. Et en plus, il gueulait comme un veau. Tout le monde le regardait, et plus il merdait, plus il gueulait. « Alors, Denise, nom de Dieu, ça passe ou ça passe pas ? C'est pas vrai, bordel !» Ça a duré comme ça pendant au moins 5 minutes. Il a fini par accrocher la tente. Pouf ! Tous les piquets en l'air et la toile déchirée sur au moins 20 cm. Je commençais à gueuler et mon père, il a dit « Eh, s'il vous plaît !» Le type, il l'a bien regardé et il a dit « Qu'est-ce que tu veux, toi ?» Mon père a répondu « L'attente !» L'autre, il l'a même pas laissé finir. « T'avais qu'à pas la foutre ici !» Et il est allé se ranger un peu plus loin. Et voilà. Mon vieux, il s'est écrasé, comme toujours. De toute l'après-midi, je lui ai pas décroché un mot. Quand nos regards se croisaient, il me faisait un petit sourire, comme chaque fois qu'il veut me parler. Alors moi, je tournais la tête et je regardais ailleurs. À la fin de l'après-midi, j'en avais plein le cul. J'ai été faire un tour. Le lendemain matin, on s'est joué le même film avec mon père. Je lui ai dit bonjour comme si de rien n'était. Petit déjeuner, calbar, serviette, et on a été à la piscine. Quand on est rentré à la tente, ils étaient tous là. Le condier, sa femme, ses pilons et d'autres mecs du camp que j'avais jamais vus. Ça s'agitait de tous les côtés. Un mec est sorti de la tente en disant « J'ai rien trouvé !» C'est là qu'ils nous ont vus. Le gros s'est planté devant mon père, les jambes écartées. Il lui a dit « Hé, le raton, écoute, on est sympa. Tu nous dis où tu as planqué mon fric et on passe l'éponge, vu ?» Mon père, il a commencé à dire « Monsieur, s'il vous plaît !» L'autre, il lui a arraché sa serviette et lui a filé un grand coup dans la gueule. « Le fric, où il est ? Tu le dis ou on t'écrase ?» J'ai cru qu'il allait exploser. Mon père, il ne disait rien, il se tenait la joue. Je me suis rapproché du gros, et je lui ai dit d'aller se faire foutre et qu'il ferait mieux d'apprendre à conduire. Il m'a filé une beigne et j'étais déglingué à 3 mètres de là, contre la voiture. Quand je me suis relevé, mon père était en train de lui bourrer la gueule. Comme il les arrache, j'ai jamais vu mon père comme ça. Ils lui sont tous tombés dessus en même temps. Mon vieux s'est retrouvé par terre, ils se sont mis à le cogner avec les poings et avec les pieds. Même la vieille et ses pilons. La vieille, c'était la plus enragée. Sans savoir pourquoi, je me suis retrouvé à genoux. Je saignais du nez et de l'oreille. J'ai vu mon père, j'ai vu les autres, et je me suis mis à crier. Je ne sais pas combien de temps ça a duré. Mais finalement, un type en survêtement s'est pointé, et il a réussi à les calmer. Mon père et moi, on a été emmenés à l'infirmerie du camp. Mon père sur un brancard, et moi je marchais à côté. 3 jours plus tard, il était remis. On a plié la tente et on est parti. En passant devant les chiottes, je lui ai dit de s'arrêter. J'ai été chercher le fric que j'avais planqué et je lui ai donné en disant seulement « Tiens papa, pour faire réparer la tente ». Il ne m'a même pas dit merci. Il ne m'a même pas engueulé. Il s'est juste foutu à pleurer. Alors, vouloir être heureux, c'est commun, c'est habituel, c'est pas original. Vouloir être heureux, c'est d'abord risquer de ne pas l'être, alors que vouloir ne pas l'être, c'est risquer d'y parvenir, c'est-à-dire d'y échouer. Car en voulant ne pas l'être, si on l'est, on ne l'est pas. Et si on ne l'est pas, alors on l'est, donc on n'est pas. Vouloir ne pas être heureux ouvre sur le paradoxe, sur le non-sens et sur l'absurde. Donc sur l'humour, la poésie, la douceur, la volupté, donc on est heureux, alors on ne l'est pas puisqu'on ne voulait pas l'être, mais en l'étant. J'ai ainsi connu un homme qui se remémorait toujours son passé avec amour, douceur et moult épanchement. Toute sa vie, il avait été heureux, sauf maintenant. Quel que soit le moment du maintenant, il était toujours triste. Il se rappelait avec nostalgie les bons moments d'autrefois. Et ses souvenirs si agréables le faisaient sourire. Bientôt, il se mettait à pleurer, ce passé était passé. Et le lendemain, se souvenant de ses larmes de la veille, il se remettait à pleurer. Et il pleurait pourquoi, au fait ? Ah oui, les bons souvenirs. Et il repartait dans ses bons souvenirs. Ah si, c'est plus agréable. Un bon canapé, petite musique tranquille, bons souvenirs. Mais surtout, surtout, ne le réveillez pas. Oh, I'm going to get it.

Au-dessus des branches, ça serait plus que château et tourelle. Quand on est resté à la face, il y avait une espèce de plaisir qui s'est dégagé, c'est pas de rien. toi et qui lui mets en jeu comme si elles avaient comme pieds de crise. Et en plus, ils gueulaient comme eux. Elles ont tombé dans la crise et en plus, ils l'avaient fusillé. Alors, je dis, non, Dieu, ça passe, pas. Pas vrai, bordel. Ça va, mais c'est Thank you. Bonsoir, vous êtes sur Canal Sud 92.2 FM, il est à peu près minuit et 25 minutes et c'est la fin de Nuisance, voilà, je vous l'annonce. Fin, enfin le calme. Un'alma preziosa, cura son dolce.